dans les allées du Jardin des Plantes, de Sophie Lemp. Deuxième épisode, Claude. 52 fois. 52 fois, j'ai enfilé une veste ou mon imperméable, mis mon appareil photo autour de mon cou, emprunté les escaliers, ouvert la porte, descendu le boulevard et suis entré dans le jardin. 52 fois, j'ai photographié les mêmes arbres, les mêmes plates-bandes. Sur l'ordinateur, l'album Jardin des plantes contient 1386 photos. Je n'ai pas besoin de les trier, elles sont automatiquement rangées par ordre chronologique. Un jour peut-être, je les classerai autrement. Le marronnier avec le marronnier, le cerisier avec le cerisier, les roses avec les roses. En février, quand le médecin m'a demandé si je sortais tous les jours, je n'ai pas osé lui dire que cela faisait des semaines que je descendais seulement chercher de quoi survivre. Une baguette, une tranche de jambon, quelques yaourts. Je n'ai pas osé lui avouer que certains jours, je ne me levais même plus. Il a dû le comprendre, car il m'a déclaré en me tapotant gentiment sur le bras. Vous êtes tout près du Jardin des Plantes, monsieur Baudurat, alors profitez-en. Le traitement aide, mais ne fait pas tout. Il faut que vous restiez dans la vie, que vous voyez du monde. Et les arbres, c'est très important. Certains patients disent même que la nature les a sauvés. Alors allez marcher. Prenez un carnet pour dessiner, un appareil photo, que sais-je. Mais inventez-vous un projet. Et vous me raconterez tout ça la prochaine fois. Le Jardin des Plantes était pour moi un lieu comme un autre, sans charme particulier. Je l'avais toujours traversé par nécessité. Je n'avais pas d'enfant, je ne m'y étais jamais promené. J'étais sceptique en sortant du cabinet. Pourtant, je m'y suis rendu dès le lendemain. Peut-être pour pouvoir lui affirmer qu'il se trompait, que cela ne changerait rien à rien, que j'étais foutu. Il faisait froid. Il avait neigé quelques jours auparavant et il restait des plaques blanches par endroits. Les arbres étaient noirs, nus, le ciel était laiteux. Les arbres étaient noirs, nus, le ciel laiteux. Et je l'avais remarqué. J'ai marché sans but, une heure durant. Quand je suis rentré chez moi, je n'ai pas eu envie de m'abrutir devant la télévision, comme chaque jour. J'ai regardé dans le dictionnaire quand avait été créé le jardin, par qui. Et puis j'ai commencé à avoir faim. Je suis redescendu chercher des nems chez le traiteur chinois. Le lendemain, je suis revenu avec mon appareil photo. J'ai photographié une branche, un bout d'écorce, un nuage. La nuit tombait quand j'ai entendu le sifflet du gardien. La promenade est devenue quotidienne. Plus je marchais, plus l'espace se libérait dans ma tête. Les événements des derniers mois s'organisaient mieux. Je percevais l'enchaînement, la course folle, la chute. Cela s'éclaircissait. L'arrivée de Gabriel Lemotte dans le service. Et très vite, ces petites phrases insidieuses. Je ne suis pas là demain, obligation familiale. Je compte sur vous pour être à la hauteur. Ses regards insistants. Ne me dites pas que vous ne vous êtes jamais occupé de ça. Les réunions qu'il organisait sans moi. Ses absences répétées. Que faisiez-vous ces dernières années? Vous dormez? Sa façon de me faire payer ses lacunes. Sans les chiffres de 2013, votre dossier est bon à jeter. Puisque je vous dis que je n'ai rien reçu. Je ne prenais plus le temps de déjeuner. Mes journées se terminaient de plus en plus tard. Je me sentais incapable de réussir ce qu'il me demandait. Moi qui n'avais jamais connu de difficultés jusque-là. Bon, je demandais à Gérard de s'occuper du planning désormais. J'ai bien vu que vous vous laissiez facilement déborder. Ça m'a semblé plus raisonnable. Je me couchais souvent sans dîner, secoué de sanglots. C'est le médecin du travail qui a compris. Vous avez le droit de craquer, monsieur Baudurat. On se connaît depuis longtemps, je vois bien que ça va pas. Est-ce que vous vous souvenez comment ça a commencé? Une réflexion par-ci, une remarque par-là. J'étais un peu déstabilisé, mais je me disais qu'il fallait que je m'habitue à ces méthodes de travail. Et puis ça a été de pire en pire. Elle est restée très calme. A évoqué une situation de harcèlement. Elle a promis de m'aider. Vous avez bien fait de m'en parler. Vous ne devez surtout pas culpabiliser. Cela aurait pu m'apaiser, mais je me suis enfoncé davantage. J'étais persuadé que Lemotte avait raison. J'étais un bon à rien. Je m'étais endormi pendant des années et n'avais pas progressé. J'ai travaillé, travaillé, travaillé. J'espérais enfin la reconnaissance. Un matin, je devais lui remettre un rapport. Je n'avais pas fermé l'œil de la nuit, peaufinant chaque phrase, choisissant chaque mot avec soin. Je suis arrivé devant son bureau, j'ai frappé. Sèchement, il m'a dit d'entrer, je lui ai tendu mon dossier. Il l'a feuilleté rapidement et a pointé tout ce qui n'allait pas. Puis, il l'a déchiré lentement en me regardant droit dans les yeux. Je suis devenu fou. J'ai attrapé les dossiers qui traînaient sur son bureau et je les ai balancés avec ses stylos, son ordinateur. Je hurlais. On est venu me chercher. Dépression, arrêt maladie, traitement de cheval. Voilà comment ça s'est passé. Le médecin du travail m'a parlé d'inaptitude. C'est allé trop loin pour que vous envisagiez sereinement de continuer à occuper votre poste. Vous êtes encore jeune. Je suis certaine que vous trouverez rapidement un nouvel emploi. Cela conduirait sans doute à mon licenciement, mais c'était selon elle ce qui pouvait m'arriver de mieux. J'ai accepté. Et me voilà, presque 6 mois plus tard, bousillé par un homme qui a voulu ma peau. Me voilà tenu par une escapade quotidienne sans laquelle je serais sans doute devenu fou. Me voilà accroché à un bourgeon, une feuille naissante, une pousse de crocus. Me voilà, certes vivant, sensible à la nature, aux saisons, au passage du temps, mais privé de cette réalité qui était la mienne. J'ai troqué le sourire de la standardiste, les confidences près de la machine à café, les blagues des collègues à la cantine et les apéros du vendredi soir, contre un jardin, des milliers de pas et des centaines de photos. C'était Dans les allées du Jardin des Plantes de Sophie Lemp. Avec Laurent Manzoni, Patrick Autier, Laurent Lederer, Valérie Moinet. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Claire Levasseur et Dalia. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, Pascal Deux.